طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. فقد أخذنا أمس الدرس في النداء وأيضا همزة الوصل. طيب عندك سابق utilise le harf nida. C'est quoi le harf qu'on a étudié hier pour appeler une personne? L'interpellation du ya. Le ya, très bien, barakallahu fik. Ça s'appelle un harf, hein? Harf nida. طيب si on fait rentrer, là on fait, hein? Si on fait rentrer le harf nida dans un prénom singulier, quelle sera la terminaison à voix haute? Tu peux le dire en arabe, comment on dit? Ouais, mais c'est quoi le ou là? Une damma. Eh, mais faux. Parce qu'au début tu m'as dit santanouine. J'aurais pu dire quoi? Il y a un rajou là. Eh, barakallahu fi. Un exemple, ya muha madou. Taïb. Et si tu appelles une personne, à la base elle était nakira. Nakira Mursoud. Ce sera quoi sa terminaison? C'est Tanouine. Tanouine, un exemple? Mohamed. Ya Mohamedoun. Mohamed, c'est Nakira? Ces mots, vous les apprenez, Inch'Allah. Taïb, c'est quoi Nakira? C'est indéfini. Mohamed, c'est indéfini, Mohamed? Si je te dis, Ya Mohamed, Mohamed, il est arrivé là. C'est Ma'rif. Alors, rattrape-toi, vas-y. Moi je t'ai pas demandé défini, je t'ai demandé le ya quand il rentre dans Nakira al-Maqsoud. T'as compris cette phrase? C'est quoi? Il interpelle une personne précise. Ouais, mais Nakira al-Maqsoud, ça veut dire quoi ça? Nakira c'est défini. Si? Indéfini. Indéfini. Ou al-Maqsoud, même un al-Maqsoud. Maqsoud. Ouais. Je l'ai traduit le mot hier? Taïb. Je sais pas si c'était écrit ici. Taïb, ça veut dire quoi? Je l'ai dit hier. C'est-à-dire quoi? Appeler. Non, appeler, hein? Et toi? Non, et toi? Bien connu. C'est pas que ça. Taïb, je répète. Al-Nakira al-Maqsoud, ma ma'na? C'est indéfini. Taïb, quand on fait rentrer Al-Ya, Fimada al-Nakira al-Maqsoud. Andek? C'est-à-dire il est visé. Voilà. Il y a Waladou. Taïb, tu te souviens? Surtout c'est avec toi, je suis resté avec ça hier. Hein? Parce que je sais. Mais tu me demandes ce que ça veut dire exactement le mot. C'est à toi que j'ai expliqué ça pendant 5 minutes hier, Abdel Hakim. T'as enregistré, non? Et t'as vu? Khair, Inch'Allah. Tu te souviens de ça, Mohamed, hier? J'ai même dit quoi? Qasada, Yaqsoudou. C'est comme si, par exemple, j'ai dit une bêtise sur le frère Saber. J'ai dit quoi? Bila qazd. C'était involontaire. Hada al qazd. Qasadtuka bi kalami. J'étais visé dans mes paroles. Alors quand je dis ya waladu ta'al, est-ce que j'appelle n'importe quel enfant ou c'est un enfant bien précis? Voilà, c'est ça. Ça, j'ai compris ça. Et toi, si je voulais savoir? Ça, c'est dans le truc. C'est pour ça, les frères, maintenant, je ne vais plus répéter. Tout ça, c'est enregistré. Et ça, je l'ai dit hier. Pendant 5 minutes, je l'ai expliqué à Abdel Hakim. Et je lui ai même donné l'exemple de Cheikh Yahya. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça? C'est pour ça, les frères, un effort. Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, à la base, c'est un nom défini, mais avec... Nakira, qu'est-ce que ça veut dire, décalé, Nakira? Ça, c'est un dors parmi les premiers dors. Nakira, c'est quoi? Indéfini. Normalement, j'ai même plus à le réexpliquer. Maqsoud, ça veut dire quoi? Qasada, c'est quoi? C'est viser une personne bien précise. Il y a Akhi, par exemple. Il y a Waladou, Ta'al. Tu dis, il y a Walad. Il y a Oustadou. Taïb. Andek à Mohamed, barakallahu fik. Abu Hudayfa. Mais il y a Hamzat al-Wasl. Eh? Walatuntaq. Ibtida al-Kalam. Très bien, barakallahu fik. Un exemple de ce qu'il vient de dire, Saber. Vous avez compris ce qu'il a dit, le frère? C'est bien, mashallah. Ibnoun, très bien. Là, ça, c'est autre chose. Mais sinon, ça, vous avez bien compris ça. La terminaison, il fallait juste donner ça. Parce que si vous donnez la deuxième partie de la phrase, ça n'a rien à voir. T'as vu? Par exemple, tu dis Ibnou Al-Mudiri. Taïb, Ismu Al-Waladi. Tu dis à une personne, Ijlis. Taïb. Mais si on a dit, elle arrive en plein milieu, là tu ne pars. Tu diras quoi? Ta'al Wajlis. C'est bien compris ça, Inch'Allah? T'as compris ça, Daoud? Abdelhakim, c'est compris ça? Taïb, Abdelkarim? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. طيب من باب الفائدة on avait dit quoi حروف النداء سبعة vous vous souvenez j'avais dit que les حروف النداء vous allez les étudier il y en a sept et celui qui veut par exemple appeler رب العالمين vous allez apprendre qu'à utiliser que le ya le fond tu pourras dire que ya Allah al ya la إذا أردت أن تنادي الله لا تستعمل إلا حرف النداء al ya. C'est bien compris ça? Vous avez compris ça, Saber? Voilà. Tu as compris, Daoud? De Hakim? Non? Et toi? Oui? Non. Tu sais quoi que tu n'as pas compris? La phrase que tu as dit en arabe. Mais pourquoi tu dis comme ça en arabe? Je répète en français, de Hakim. Et en français, tu as compris ce que j'ai dit? C'est quand on doit interpeller Allah. Tu peux hausser un peu le ton? Quand on doit interpeller Allah. Si on veut appeler Allah. Ya Allah. Voilà. Tu as compris ça? C'est quoi, t'as pas compris? Ce que t'as dit en arabe. Moi, je traduis. T'as pas remarqué, Abdelhakim, depuis le début, j'essaie de parler un peu en arabe avec vous et je traduis. Si vous voulez un cours qu'en français, je fais en français. T'as pas remarqué ça? Si, c'est bien. Taïb. Taïb, on a vu quoi hier? Hamzat al-Wasl. Et on avait dit quoi par rapport à Hamzat al-Qat'a? Taïb, al-Hamzat al-Qat'a yallati taqa' fi awal al-kalima wa yuntaq biha fi bad'i al-kalam wa wasati. Taïb, tu peux dire ana wa anta. Taïb, c'est-à-dire la différence entre Hamzat al-Was et Hamzat al-Qat'a, celle-là, la deuxième, on peut la prononcer en début comme en plein milieu. Tu peux dire ana wa anta sanadhhab ila al-masjid. مفهوم انا وانت الهمزه ولا je voulais écrire. طيب on a dit quoi هي التي تقع في اول الكلمه وينطق بها في بدء الكلام ووسطه c'est dire il s'écrit comme ça regardez Anna. Taïb, regardez, Anna. Vous le voyez là? Hamza. Suivez les frères. Taïb, Anna wa Anta. Ici il est quoi? Ici il est en début. Et ici il est quoi? En plein milieu. Anna wa Anta. Vous avez vu, dans les deux cas, je l'ai prononcé. Alors qu'hier, Hamza Telwas, qu'est-ce qu'on disait? Ta'ala wa Jlis. Regardez, Hamzat al-Was. Alors que s'il était en début, on disait quoi? On le prononce ici? Non. Hein? Vas-y, prononce-le. Ijlis. Ijlis. Et là, tu diras quoi? Tu ne le prononces pas. Ta'ala ouais, wajlis. Ouais, t'as compris ça? Bien compris? Hein? La différence entre ça et ça, c'est quoi? C'est que Hamza al-Was, au début d'une phrase, on prononce, mais au milieu, non? Voilà, très bien. Ça veut dire là, tu diras quoi? Ta'ala wajlis. Ici tu dis Ijlis et prononce Hamza al-Was. Dis que le Hamza al-Qat'a. Al-Qat'a. Voilà, comme ça tu l'as. Que ce soit au début ou en fin de phrase, au milieu de phrase, il se prononce. Voilà. Mais faut madame? Très bien. C'est-à-dire là tu peux dire Ana wa Anta, Sanadhab et la magie. Si tout le monde a compris ça, Inch'Allah? La feuille elle est au frère, tu lui passeras. Quelqu'un a une question à poser par rapport au... C'est bien compris, ça, Bertou? Ouais. Le deuxième point que tu as donné, c'est comment ça s'appelle? Hamzat al-Qatr. Je viens de le dire et je l'ai écrit. C'est pour ça, sois attentif. Vous allez me faire craquer les phrases, je crois. Je l'ai écrit devant toi. Je l'ai même, regarde. Le frère, il me l'a demandé, Abdel Hakim. C'est vrai ou non? Imaginez-vous les 10. Ah, j'ai pas entendu. Ah, j'ai pas entendu. Ah. C'est pas que je vais pas faire d'efforts, mais quand même. C'est Abdel Hakim qui me l'a demandé, je lui ai écrit devant lui, Mahdi. طيب الدرس السادس لا لسون 6 le درس il est facile normalement. Qui se souvient de هذا? Saber, vous vous souvenez du درس de هذا? Ça s'appelle comment هذا? هذا. Faites un signe vers un frère, tu dis quoi? Il s'appelle Mahdi, le frère là, tu diras هذا مهديون. طيب مهدي il est là. Mahdi, son prénom. Hada qalamun, hada rajulun. Voilà, tu m'as dit. Comment ça s'appelle, hada? Qu'est-ce que c'est? La signification? J'ai demandé la traduction ou je lui ai demandé c'est quoi, hada? Hada, c'est une préposition. En arabe, c'est quoi, hada? Par rapport au cours qu'on a utilisé. عندك سي كوا هذا اسم إشارة vous souvenez de ça اسم إشارة ها طيب اسم إشارة pour vous regardez c'est pour ça que ça prend du temps mais inshallah نصبر ها pour ça les frères révisez écrivez inshallah comment للقريب c'est tout مفرد مذكر للقريب également t'as entendu ce qu'il a dit frère bien C'est spécialement que pour les aql, en vrai aql. Je peux dire par exemple hada masjidun ou c'est juste pour hada akhun, hada waladun. Là, il va y aller, Wahbi. Je vais sonner avec un walad. Hein? Tu peux dire quoi? Tu peux dire c'est rayal akhil. Hein? Rayal akhil. Tu peux dire aussi pour quelqu'un de quoi de raison. Donne-moi un exemple. Comme ça. Hada waladun. Hada waladun, ça c'est quoi? Aql. Et on peut dire quoi? Hada kitabun. Tout le monde se souvient de ce dars? Hein? Havihi, c'est l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire l'inverse, Wavi? Il est ismul ishara. Non, il n'y a pas besoin de dire tout ça. L'inverse. Dans le sens, c'est pour les noms féminins. Voilà, on arrête là. Pas besoin d'aller. C'est ismul ishara. Voilà. Qui a compris Hada? Qui n'a pas compris, lève la main. Qui n'a pas compris? Voilà. Ah bah, celui qui a compris bien Hada, Havihi, c'est la même chose au féminin. Vous avez compris ça? Voilà, ça veut dire, est-ce qu'on pourra dire Hadihi Waladun? Hadihi Masjidun? Hein? Est-ce que je peux dire Hadihi Bintun? Elle est à 300-400 km. Pourquoi? Le frère dit Naam. Pourquoi? Elle est Baïd. Vous avez compris ça? Voilà. Alors on dira quoi? Hadihi Madrasatun. Hadihi Fatimatu. C'est bien compris ça, Inch'Allah? هذه مدرسة غير عقل وهذه بنتنا وعائشة tout le monde a compris c'est vrai hein voilà il y a juste à lire inshallah pour ça je vous ai dit la dernière fois certains dars on pouvait les faire peut-être en une journée si on prenait le tableau mais c'est rien on passe dans les textes celui qui a compris هذا il a compris هذه et celui qui a compris هذا et هذه il va comprendre quoi après ذلك et تلك Et celui qui a compris ces quatre-là, il va comprendre quoi? Haoulaï, ce sera quoi? Un pluriel qui pourra être féminin et masculin. Taïb, Inch'Allah? Bismillah, à voix haute. Bismillah, à voix haute. Ouais. Hada ibn Hamid. Si tu peux aussi un peu le temps pour tout le monde entendre. Hada ibn Hamid. Hamidin. Hamidin. Wa. هذا وهذا و ابن بنتي بنت قالوا لي التكست قبل ما نغيب الدرس لا ياسري بنت سي فيمينا او ماسكولا سي مؤنث او سي مذكر سي فيمينا فيمينا اون بو دير هذا بنتون نو نو regarde bien alors comment t'as lu toi بنتا الله يحفظك Bintou. Toi, tu as dit Hada Bintou. C'est possible? Non, non. Ah, ouais, non, non. Anda, Hada ou Hadi. Hadi. Hadi, Beit. Ou Hadi Bintou Yassirin. Yassirin. Au suivant, à voix haute. Ibn Hamidou, Jalisoun. Je t'ai pas bien entendu. Afwan Abdullah, vas-y. Ibn Hamidou. Très bien. Jalisoun. Bintou Yassirin. Très bien. Ibn Hamidun Hamidin Jalisun wa bintu Yasirin wa Aqifatun. Naam, au suivant. Man hadhihi? Très bien. Hadhihi ukhtu al-muhandis. Très bien. Man hadhihi? Hadhihi ukhtu al-muhandisi. Au suivant. La hiya aydan muhandisatun. Très bien. La hiya tabibatun. Très bien. A hiya aydan muhandisatun, la hiya tabibatun. A vous, Saber. Sayaratun man هذه سيارة. هذه المدير. نعم. سيارة من هذه؟ هذه سيارة المدير. Très bien. Au suivant. Les frères, aussi le ton. C'est man que t'as toi? Nous on a manu. طيب ما هذه؟ هذه مكوة. Inch'Allah, tous les mots sont compris, hein? Non, c'est quoi que t'as pas compris? Aïdan également. Aïa Aïdan. Hein? Le frère, il demande. Aïa Aïdan Muhandisatun. Aïdan, ça veut dire également. Ça veut dire, est-ce qu'elle aussi, elle est ingénieur. Et on continue. L'imam Hadi li Khalidin. Très bien. L'imam Hadi, Hadi li Khalidin. Très bien. الدراجة أنس هذه. الدراجة ça veut dire quoi? Vélo. Vélo, mashallah. La هذه دراجة عمار. هذه جديدة. Très bien. La هذه دراجة عمار. هذه جديدة. Nous suivons. الدراجة أنس أنس أنس. Regarde bien, c'est un prénom ça. Il a été lu au moins, je crois, peut-être une ou deux fois. Anis. Anis. Besoin? Non, c'est pas ça. Ah ben non, je suis... Qui lit le texte avant de venir ici? Un petit peu, juste un peu. Toi, tu fais tout un petit peu, Mahdi, mashallah. Tu révises un petit peu, tu lis un petit peu. Les frères, lisez, je vous promets. Vous allez beaucoup, beaucoup progresser. Tu vois, Anas, c'est un sahabi, un grand compagnon. Tu vois, c'est un prénom que tu dois connaître. Anas. Anasin. Qadi. Qadi Matoun. Très bien. Le suivant. A toi, Barakallahu Fik. Ada. Regarde bien là. Fais pas exprès, regarde. Il est où le alif pour que tu dises Ada? C'est pas normal. Le dars aujourd'hui, c'est sur quoi, Mohamed? Non, le dars aujourd'hui, c'est sur quoi? C'est sur le. Sur Hada aujourd'hui, hein? Non, c'est sur. Tourne ta page et regarde, c'est écrit en gros. Il y a écrit quoi là? Hada, Mada. Il y a écrit Hada là? Non. C'est un mime ça. C'est un mime. Hadihi, Hadihi, il y a écrit. Hadihi. Lisez les textes, les frères, avant de venir, Allah. Hadihi, Siyaratu. Hadihi, Rali. Siyaratu, hein? Rali. Il où le ra? Moi tu m'étonnes, tu prononces des lettres et on les voit même pas. Hadi siyaratun. Dis-moi il où le ra et dis-moi il où le ya. Pour que tu arrives à dire hadi siyaratun. Tu vois bien les lettres là, Mohamed? Bien, bien. Hein? Dis-moi où tu vois un ya là. Non, mais c'est après parce que j'ai dit le mot d'après. Rali. Crains Allah, comment? C'est-à-dire tu lis là et tu me dis je vois là. Dis-moi là où tu vois un ya et tu vois un ra. Même là, si tu prends le nom d'après, où il est où le ra? Ah, tout le monde s'est bien imprimé là. Le harine. Hein? Le harine, je le prononce le rat, moi je le Ada siyaratu rali. T'as vu, regarde le dessin. Siyaratu, ça veut dire quoi? Montre. Une montre, hein? Ouais. Machallah. Au suivant, vas-y. Regarde le frère comment il va lire. Hein? Non, corrige, moi Abdallah. Tu vois bien que c'est pas siyaratu. Adi sa'atun. Ah, sa'atun. هذه ساعة علي هذه جميلة جدا au suivant هذه معلقة répète هذه معلقة très bien هذه قدر. Très bien. Très bien. هذه ملعقة وهذه قدر. الملعقة في القدر. Hein, c'est-à-dire quoi? Il y a le dessin à côté. Ça, on peut dire quoi? Un vase, une casserole. Au suivant. Très bien. هذه بقرة الفلاح. Le paysan, hein, فلاح, celui qui veut traduire. Suivant. Amfoun. Il y a un tanouin. Famoun. Très bien. Hada amfoun ou hada famoun. Hadi udunun ou hadi aynun. Au suivant. Très bien. Hadi yadun ou hadi rijlun. Tamarin. Iqra wa aktub. C'est juste de la lecture, hein. Vous êtes censé trouver les bonnes terminaisons. Bismillah. Aba outa. Hada masjidun wa hadihi madrasatun. Madrasatun la. Wa hadi madrasatun. Madrasatun. Men hadihi. Hadihi ukhtu abbasin. Très bien, mashallah. Men hadihi, hadi ukhtu abbasin. Au suivant. Hada dikun wa hadihi. Très bien, machallah. Hada dikun wa hadi dajajatun. Le 4. Hadi ibn. Quand c'est hadi, tu dis hada. Regarde bien, j'espère que tu ne fais pas exprès. Hein. Voilà. Moi je te le dis, wallah. Regarde bien. Quand c'est hadi, tu dis hada. Et quand c'est hada, tu dis hadi. Tu vois Allah, non. C'est entre toi et Allah. Moi je te dis, demain, celui qui vient, il n'a pas lu, il sort du cours. Taïb. Et là, il y a des témoins là. Vous avez vu, quand c'est hadihi, il dit hada. Et quand c'est hada, il dit hadihi. Amrouk il Allah. Fadal. Et pourtant, regarde, le hada, il est mal imprimé. Et tu as réussi à le lire. Regarde. Fadal, vas-y, lis. Hada. Hada. Ibn al-Mudiri. Al-Mudiri. Wa hadihi. Bait. Bait. وهذه مدرسة هذه بنت المدرس هذه ام ياسر هذه ام ياسر اين قدر اللحم هي في الثلاجه très bien اين قدر اللحم هي في الثلاجه هذا باب هذه نافذه prenons juste le petit le nun très bien mashallah هذا باب وهذه نافذه نافذه ça veut dire quoi ça veut نافذه ouais très bien بارك الله فيك سي بيان ما شاء الله طيب تمارين ما هذا ان شاء الله chacun prend de droite à gauche hein طيب et ça suit hein c'est طيب ما هذا هذا قلم ما هذه moi j'aurais préféré vous laisser tu vois mais bon c'est rien comme ça au moins vous saurez comment parce que certains mots c'est vrai que c'est nouveau طيب ما هذه non regarde Tu laisses le frère, il va te poser la question. Voilà. Après, lui, il répond, il posera la question. Comme ça, je vois, est-ce que vous prononcez bien, vous posez bien la question avec les Ismi Shara. Là, là c'est le silo, hein. Taï, vas-y. Non, non, on a dit de droite à gauche, la droite. Hada Qalamoun. Hada Qalamoun. Hada. Non, le frère, c'est lui. Hadi. Voilà, c'est bien, machallah. C'est-à-dire que tu savais que c'était féminin. Ou t'as dit comme ça? Je te dis vu que c'est un des derniers mots que t'as fait. Khair, inshallah. Mais demain, inshallah, ce sera du sûr. Il n'y a pas de mal. À toi. Mahada. Hada kitabun. Très bien, machallah. Mahada. Hada qamisun. Très bien. Mahadihi. Tu lis où là? Pour la maison. هذا بيت on dit. Tu dis هذه بيت ما هذه ما هذا ما هذا ما هذا à toi ما هذا هذا ساعه là c'est une maison il te demande ما هذا هذا بيت voilà toi tu dis au frère là, une montre comment tu diras ما هذا ما هذا une montre une Non, mais en français, c'est féminin. Ma hadihi. Le frère, il va répondre. Hadihi. Hadihi sa'atun. Au suivant, la voiture. Hadihi sa'yaratun. Très bien. Hadihi sa'yaratun. La porte. C'est toi. Ma hada. Hada babun. Très bien. Là, c'est les pieds. Très bien. C'est rien, c'est un nouveau mot aujourd'hui. Rijloun. Très bien, mashallah. Le vélo. Très bien, mashallah. Darrajatoun. Très bien. Mahadi darrajatoun. La main. Très bien. La main. C'est toi, t'occupes pas, c'est moi qui dis la main. Là, lui, il a dit hadi automatiquement. Voilà. Très bien. Après, c'est le nez. Ici, c'est le nez. Hada. Ma hada. Hada anfun. Très bien. Après, c'est quoi? C'est la bouche. Ma hada. Très bien. Hada famun. Très bien. Ma hada, hada famuna, la bouche. Ma hadihi. C'est le. Ouais, tu dois la trouver. C'était le vase. Ouais. Hadihi qadrun. Qidrun. Qidrun. Ouais, naam. Ma hadihi. Tu lis où là? Le fer à repasser. Le fer à repasser. Ma hadihi. Non, non, c'était bien. Hadihi. Le suivant. Tu réponds. Comment on dit un fer à repasser? Il t'a dit ma hadihi. Tu diras. Sérieux? Tu t'en souviens pas? Mikwatun. Mikwatun. Hadihi, mikwatun. Et toi maintenant, tu fais un signe vers la chaise, tu diras. Hein? À voix haute, les frères, vous avez entendu? Hada kursiyun. Très bien, mashallah. Hada kursiyun, la chaise. Le frigidaire. Ma hadi. Hadi thallajatun. Très bien. Ma hadi, hadi thallajatun. La clé. C'est à toi, Aymana. Très bien. Ma hada, hada miftahun. Après, la mosquée. Ma hada. Hada masjidun. Très bien. Il reste quoi? L'étoile. Ma hada. Très bien, mashallah. Hein, on va s'arrêter là, parce que demain, ce sera un nouveau dars. Inch'Allah, les frères, révisez. Hein? Barakallahu fikoum.